Chapitre 6. Le soleil venait à peine de percer ses premiers rayons quand toute une compagnie de Turcs à cheval apparut brusquement sur le haut de la route, suivie d'une colonne interminable d'infanterie. Cavaliers et fantassins arrivaient bientôt sur la rive de l'Isker, où ils firent halte. Le détachement d'infanterie se composait de 300 hommes au moins, précédés de nombreux bachibouzouks armés jusqu'aux dents. Le reste, et c'était le plus gros contingent, se composait de tcherkès, portant les armes les plus variées. Les cavaliers, arrêtant leurs montures, laissèrent passer la bande de tcherkès. Cette multitude bruyante, hétérogène, avait pour chef le fameux Tchambalas, le brigand tcherkès cruel et sanguinaire. C'était lui qui la veille tua d'une balle Botief, le malheureux chef des insurgés. Tchambalas sauta de cheval, faisant face à la forêt, non loin des ruines d'une vieille église délabrée. À gauche de la forêt se dressaient les parois de roches impraticables au-dessus des gorges profondes. Sur le côté droit s'étendaient les champs de Tchelopiek et des riants jardins, entourés au loin d'une couronne de rochers abrupts à la cime dénudée. Sur la clairière du bois, on distinguait au milieu des arbres l'unique cabane de berger abandonnée en ce moment par son propriétaire. Tous les yeux étaient fixés sur la forêt profonde et silencieuse où se cachait le jeune insurgé. Mais ce n'était pas lui que ces hommes étaient venus chercher, ayant eu vent qu'une compagnie de comitagis, révolutionnaires, devait au petit jour se répandre dans la forêt pour traverser l'Isker et se réfugier, chercher un refuge dans le grand polan de Stara Planina. Aiguillonnés par la victoire de la veille, les soldats attendaient les ordres définitifs, pendant que Tchambalas, entouré de quelques chefs bachibouzouk, se concertait avec eux sur le plan d'attaque. C'était un homme d'une quarantaine d'années, très brun et grand de taille, à la barbe noire, vêtu d'un costume tcherkès, tout chamarré d'or et armé jusqu'aux dents. Ses grands yeux perçants, au regard fauve et cruel, brillaient d'un éclat sombre sous le haut bonnet tcherkès. À ce moment précis, un coup de feu partit de la cabane, se répercutant comme la foudre de roche en roche. « Les comitagis ! Les comitagis !» crièrent les soldats. Tous se tournèrent vers la cabane, mais ils ne virent qu'une légère fumée qui montait en spirale, emportée par la brise matinale. Pendant un instant, pétrifiés de stupeur, ils restèrent immobiles, puis une décharge formidable ébranla la forêt. Soudain, à travers la fumée épaisse, des voix retentirent. Tchambalas ! Tchambalas est tombé ! En effet, Tchambalas venait de tomber à la renverse, crachant un flot de sang. L'unique balle partie de la cabane l'avait frappé en pleine poitrine. Comme un éclair, la fatale nouvelle se répandit dans les rangs. La colonne se disloqua, chacun se sauvant de son mieux. Enlevant prestement le corps du chef, les cavaliers disparurent au galop. Mais de la forêt, aucun nouveau coup n'était parti. Après un long espace de temps, lorsqu'au silence qui régnait partout, les bachibouzouks purent se rendre compte que les insurgés devaient s'être réfugiés dans la montagne, une poignée d'hommes se hasarda à faire une battue dans la forêt. Ils trouvèrent, étendu sous un chêne, le cadavre d'un insurgé. C'était un homme de 30 ans à peine, portant une grande barbe noire, et dont la jambe, blessée évidemment, avait été pansée avec des chiffons. Les tcherkès purent se convaincre que les insurgés avaient tous fui. Après la défaite de Botief, une partie de ces hommes, 40 en nombre, s'étaient réfugiés dans la montagne sous la conduite du brave Pera, celui dont le corps fut trouvé là. Pendant la nuit entière, ils avaient erré à l'aventure dans la forêt profonde, et exténués de fatigue, mourant de faim et à bout de force, ils s'étaient endormis non loin de Tchelopiek, sans se rendre compte que l'ennemi avait éventé leur retraite. Une balle égarée avait abattu par hasard le vaillant Pera. Aucune autre victime ne se trouva là. Pourtant, lorsque les tcherkès pénétrèrent dans la cabane, ils y trouvèrent un homme inanimé. « Un paupe, un insurgé !» s'écrièrent-ils avec stupeur. Un jeune homme imberbe gisait par terre, la tête fracassée par une balle. Il était vêtu d'une robe de moine, dont un pan retroussé laissait entrevoir l'uniforme d'insurgé, tout éclaboussé de sang. Par la blessure noircie par la poudre, il était évident qu'il avait dû se suicider, après avoir tiré la balle meurtrière qui abattit Tchambalas. Contrairement à leur usage, les Bachibouzouks ne décapitèrent pas le cadavre pour planter sur un pieu la tête de l'insurgé comme un trophée en signe de victoire. Ils se contentèrent de mettre le feu à la cabane en y abandonnant le moine mort. Lorsque, dans la soirée, le détachement turc massacra 13 insurgés qui s'étaient aventurés de la montagne pour traverser l'Isker, la fumée s'échappait encore des débris de la frêle bâtisse. La vieille Elitza est morte depuis longtemps, mais l'enfant à moitié mort qu'elle avait porté au monastère est resté en vie. C'est aujourd'hui un grand et beau gaillard, plein de force et de vigueur, qui s'appelle le Major P. Chaque fois que sa grand-mère lui racontait ces événements, elle ne manquait pas d'ajouter qu'elle n'avait jamais attribué sa guérison aux nonchalantes et peu édifiantes prières de l'irritable moine, mais qu'elle avait toujours considéré que Dieu lui avait accordé la vie de son enfant en récompense de sa bonne action envers le malheureux insurgé. S'il est vrai qu'elle n'avait pu mener à bonne fin son sauvetage, elle avait eu à cœur d'accomplir sa tâche et s'y était employée de toute l'ardeur de son âme.